réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Parce qu'une autre année est possible, et même souhaitable, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter France Culture. Nous sommes le lundi 4 janvier 2016. Toute l'équipe de l'émission, c'est-à-dire le réalisateur Thomas Duterre, aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse-Duncan, mes amis et collaboratrices Anaïs Hibert et Pascaline Bonnet se joignent à moi pour vous souhaiter plein de bonnes choses, la santé et le bonheur, et que vous puissiez réaliser les bonnes résolutions que vous avez sans doute prises. Bonjour tout le monde et bonjour Sylvia Pérez-Vitoria. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accompagner toute cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, sachant que votre dernier livre a pour titre Manifeste pour un 21e siècle paysan, que vos précédents livres, toujours chez Actes Sud, ont pour titre Les paysans sont de retour et la réponse Poste des paysans, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016? Eh bien, ce que je souhaiterais, c'est que nos sociétés prennent davantage en compte la place des paysans et qu'on leur donne toute leur place, parce qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre proposition, c'est-à-dire de reprendre l'année avec cette nouvelle série « Retour à la Terre, un défi du 21e siècle ». Et puis, en deuxième partie, je recevrai mes camarades et néanmoins partenaires, Oriane Jeancourt du magazine Transfuge et Laurent Nunez de l'hebdomadaire Marianne, pour parler des livres de la rentrée. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle, une série avec l'économiste et sociologue Sylvia Pérez. Aujourd'hui, premier épisode, les nouveaux mouvements paysans. Mais tout d'abord, Sylvia Pérez-Vitoria, on parle de la fin de la paysannerie, de la fin des paysans depuis les années 60 et de leur remplacement par des agriculteurs. C'est quoi au juste la différence ? Eh bien, la différence, c'est que la transformation des paysans en agriculteurs et même en exploitants agricoles, puisque en fait c'est ça le terme convenu actuellement, a fait que des gens qui avaient des formes d'autonomie, en particulier qui dépendaient principalement de la nature pour travailler, pour s'organiser, vont commencer à dépendre du marché. C'est-à-dire qu'on va leur mettre, ils vont être obligés d'importer des engrais dans leur ferme, des machines. Ils vont se trouver endettés, ils vont se trouver dépendants, perdre leurs connaissances et être remplacés par des connaissances d'experts. Et finalement, se retrouver sans aucune forme d'autonomie, y compris leur alimentation. Parce qu'en fait, les gros agriculteurs que nous avons en France, par exemple, en général, ne produisent même pas leur alimentation. Donc les paysans qui avaient une fonction nourricière vont devenir des marchands d'aliments sur le marché international. C'est vraiment ça la grande différence. Et comment sommes-nous arrivés là? C'est-à-dire, quelle est l'histoire de la paysannerie en France? Ah, c'est une vaste histoire. Disons qu'il y a eu des étapes, si vous voulez, de ce qu'on a appelé la modernisation de l'agriculture ou l'industrialisation de l'agriculture. Et petit à petit, le paysan, qui était encore une fois en rapport avec la nature, va se retrouver pris dans un système agro-industriel. Il devient un chaînon dans un secteur agro-industriel, c'est-à-dire que tout ce dont il a besoin va lui venir de l'industrie. Et ce qu'il produit va devenir une matière première pour l'industrie. Et donc, cela s'est fait progressivement en dévalorisant les savoirs. On a très longtemps dit, vous savez, on a beaucoup de termes en France pour traiter les paysans, de plouques, de gueux, enfin, toutes sortes de mots péjoratifs. On a donc dévalorisé des savoirs, des connaissances pour les remplacer par d'autres savoirs. Et puis, bon, pendant un certain temps, si vous voulez, les paysans sont allés travailler dans les villes et c'est ce qui a fait l'industrie, l'industrialisation. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que bah, il n'y a plus de travail. Et donc c'est la situation dans laquelle on est actuellement. D'ailleurs, on en pourra en reparler. Et donc c'est ce processus-là qui a été extrêmement violent. Peut-être qu'on se rend pas compte comment. Mais ça partait pas d'un bon principe. C'était pas une manière de d'émanciper une classe paysanne qui n'était pas riche. Hein. C'est-à-dire que c'était aussi la misère qu'ils affrontaient. Au jour le jour, saison après saison. Oui, on ne peut pas idéaliser, bien sûr, le monde paysan et la vie des paysans tels qu'ils étaient, mais on aurait pu le faire autrement. La violence avec laquelle on l'a fait, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, où l'argument était effectivement, on avait des pénuries alimentaires et il fallait absolument développer la productivité, ce qu'on a fait. On a effectivement développé les quantités produites et c'était ça l'objectif. Mais à quel prix ? À quel prix humain ? À quel prix pour l'écologie ? À quel prix pour la santé ? À quel prix pour l'alimentation, à quel prix pour nos paysages. Voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on n'a pas du tout mesurés. Et on est parti de l'idée, enfin moi, vous avez dit tout à l'heure que j'étais économiste, effectivement, l'idée qu'un pays développé, c'est un pays sans paysans. Voilà, on considère, les économistes regardent, et s'il y a trop de paysans, c'est considéré comme un pays sous-développé, ce qui est une aberration totale de mon point de vue. Mais on est en train de revenir là-dessus, non ? Ben malheureusement non, parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, et même en France d'ailleurs, aucun État ne donne la priorité à ses paysans. Alors on peut dire il faut une agriculture, il faut développer, maintenant ça devient, on verdit l'économie, donc l'agriculture devient un secteur intéressant de ce point de vue-là, mais pas du tout avec cette idée, si vous voulez, de renouer avec des traditions qui, elles, étaient extrêmement riches et extrêmement importantes de mon point de vue. Alors ce qui est positif dans votre manifeste pour un 21e siècle paysan, Sylvia Pérez-Vitoria, c'est que vous nous donnez des pistes et vous dites que c'est vraiment possible qu'il y a des nouveaux mouvements paysans. Vous pensez à quel mouvement ? Ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au moment où vraiment on passait la paysannerie pour pertes et profits, eh bien, ils se sont levés, si je puis dire, ils se sont invités au banquet de la mondialisation, comme je dis, et tout à coup, on a vu apparaître un peu partout dans le monde, d'abord un peu en Amérique latine, mais aussi en Europe, aussi en Afrique, des paysans qui se revendiquent comme paysans, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter leur destin, qui est soit de grossir, de devenir des exploitants agricoles, de devenir de plus en plus compétitifs, etc., soit d'aller vers les villes, et ils disent, voilà, nous on est paysans, on a une fonction nourricière, on tient à la garder, on a des choses à dire, on a des choses à proposer à la société. Alors il y a plusieurs mouvements, le plus important c'est celui qui est né en 1993, qui s'appelle Via Campesina, qui regroupe environ, on estime à 200 millions de membres dans le monde, fait toute une série de propositions, à la fois des luttes pour se défendre en tant que paysan partout dans le monde, mais aussi des propositions qui vont bien au-delà, à mon avis, de simples aspects agricoles. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout dans une revendication corporatiste, telle que le sont les syndicats traditionnels qui veulent des meilleurs prix, de meilleures parts de marché, plus de subventions, etc. Ils posent fondamentalement la question de quelle place on doit donner à l'agriculture et aux paysans dans nos sociétés. Et on va en parler toute cette semaine, mais est-ce que ce retour à la terre, ce défi du 21e siècle, est-ce qu'il est possible ou ça reste une utopie ? Moi, je pense qu'il est tout à fait possible. Il faut des conditions. Alors, effectivement, on et quel a... retour d'ailleurs ? Quel retour, effectivement. Alors, le retour. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est l'accès à la terre, parce que effectivement, on assiste à des processus mondiaux d'accaparement des terres agricoles et de destruction des terres agricoles qui posent des vrais problèmes pour l'accès à la terre. Mais vous avez par ailleurs des jeunes, par exemple, si on prend le cas de la France, vous avez des jeunes qui aimeraient bien pouvoir retourner à la terre, qui ont vraiment des projets de vie et qui n'ont pas du tout accès à la terre. Donc il y a des possibilités à condition qu'on fasse une vraie place à l'agriculture sur nos territoires. Qui sont ces jeunes qui veulent ce retour à la terre ? Ce sont des étudiants en agronomie, familles ou ce sont des militants pour ce retour à la paysannerie, s'il fallait dresser le portrait de ces jeunes prêts à ce retour à la terre. Il y a beaucoup, curieusement, beaucoup d'étudiants d'agronomie, effectivement. Ce qui est un bon signe. Oui, absolument, qui est tout à fait bon signe. Alors peut-être qu'ils sont un peu dégoûtés de leurs études, je ne sais pas, mais en tout cas, tout à coup, ils prennent conscience que c'est important et voilà. Donc, il y a ça. Puis, si vous voulez, des jeunes qui refusent absolument le mode de vie urbain, traditionnel, etc. et qui veulent retourner à la terre. Il y avait déjà eu ce phénomène-là dans les années 60, hein, mais là, c'est un phénomène un peu différent parce que ces jeunes, c'est pas simplement on va faire notre petite communauté. Voilà. C'était pas seulement une contre-culture. Voilà, c'est pas simplement une contre-culture. Ils sont d'emblée en relation les uns avec les autres, d'emblée en relation avec les mouvements paysans, d'emblée dans une réflexion sur quel type d'agriculture ils mettent en place. Et donc ça, et donc du coup ça fait un réseau en fait. Ça constitue un réseau. Et le problème, c'est effectivement, en tout cas dans nos pays, c'est l'accès à la terre qui est vraiment un véritable enjeu. Durant les campagnes pour les dernières élections régionales, on a beaucoup entendu parler de la place de la paysannerie en France. Est-ce que les partis politiques ont vraiment une envie de donner une place à une nouvelle paysannerie moderne aujourd'hui en France, Sylvia Pérez-Vitoria? Ben, ça dépend ce qu'on appelle moderne, parce que pour les hommes politiques en général, moderne, c'est être compétitif. Les hommes ou les femmes politiques, en l'occurrence. Et les femmes aussi, absolument. Moderne, en général, c'est être compétitif, c'est pouvoir gagner des parts de marché, c'est faire de l'agriculture française vraiment un bastion important au niveau international, etc. Et sans vraiment forcément se préoccuper des enjeux territoriaux, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. Donc voilà. Donc à mon avis, encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun... Là, je vous dis ça parce que je sais que vous avez lu tous les programmes politiques de tous les partis politiques et voilà, et vous étiez plutôt déçu. Ah oui, je suis déçu, mais ça fait des années hein, que si vous voulez, l'agriculture, c'est le salon de l'agriculture, où on va montrer des bêtes absolument énorme et monstrueuse, où on va goûter les bons produits du terroir, et puis ça va pas beaucoup plus loin que ça, et après, si vous voulez, la France va négocier à l'OMC, ou au niveau international, ou au niveau de l'Europe, des subventions, des parts de marché, etc. Et très souvent, s'il s'agit d'un secteur compétitif, l'agriculture, mais pas du tout des gens et des êtres humains qui travaillent finalement la terre. Merci beaucoup Sylvia Pérez-Vitoria, puisque vous allez être avec nous toute cette semaine pour nous dire que ce retour à la terre, ce défi du 21e siècle, même s'il s'annonce difficile, il est très possible, en tout cas il est souhaitable. Absolument. À demain. À demain. Quand vous serez au milieu de la grande vie paysanne, au milieu d'un champ, dans les loins, ou au cœur d'une forêt en automne, vous comprendrez qu'il y a loin de vous au cœur du monde, qu'il y a loin de votre coupe aux lèvres de l'éternel, et vous écouterez bruire l'automne, et vous entendrez les feuilles tomber de vos arbres intérieurs, vous entendrez la voix de la terre, et le présent vous sautera aux yeux comme un écureuil qui plonge sur l'arbre de la vie. Croyez en l'extase des nuages qui traversent les grands horizons, au petit vent du soir, au cœur de l'été chaud. Croyez à la douceur d'une amitié ou d'un amour, à la main qui serre votre main. Car demain, mais n'y pensez pas, demain éclateront peut-être les nuages et l'orage emportera vos amours. Tenez-les serrés, ne vous endormez pas sur un reproche non formulé, endormez-vous réconciliés. Vivez le peu que vous vivez dans la clarté. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Et pour commencer cette année, nous allons avoir l'avis de nos partenaires. Bonjour Auriane Jeancourt. Bonjour Tofik. Du magazine Transfuge, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2016? Sachant que, bon, comme tout le monde, j'espère que cette année sera meilleure que la précédente. Voilà, je pense qu'on se souhaite tous. Voilà. Et puis beaucoup de livres peut-être? Ah ben bien sûr, beaucoup de lectures, beaucoup de découvertes, beaucoup d'auteurs à découvrir ou à redécouvrir, à suivre, bien sûr. Et vous avez passé sagement vos vacances d'hiver à lire des livres au coin du feu. Et qu'est-ce que vous avez retenu pour cette rentrée littéraire, Auriane Jeancourt? Écoutez, deux livres. D'abord, le deuxième roman d'Édouard Louis, qui a été pour nous à Transfuge un très grand enthousiasme. Histoire de la violence. Alors, ça a l'air comme ça, c'est programmatique. On a l'impression que ça va être une grande histoire de la violence. Ça sort ce jeudi. Oui, absolument. Et c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre dur, c'est un livre qui a l'air simple. Édouard Louis écrit une nouvelle fois la première personne et il raconte un drame qu'il a vécu à Noël 2012 où il invite un jeune homme chez lui et ce jeune homme, après avoir passé quelques moments d'amour, va essayer de le tuer et le violer. De cette nuit qu'il raconte avec une grande précision, il va élaborer des ramifications, c'est-à-dire qu'il va d'un côté nous plonger dans l'histoire de ce jeune homme, Reda, l'histoire de son père, l'horreur des foyers Sonacotra que son père va connaître en tant qu'immigré dans les années 60. Et puis il va nous replonger dans sa propre histoire à travers une deuxième voix qui est la voix de sa sœur. Et on va retrouver ce qu'on avait découvert dans Eddie Bellegueule, c'est-à-dire ce milieu d'Abbeville, cette enfance difficile, cette enfance d'Édouard Louis qui aurait pu basculer dans la délinquance et qui va finalement l'amener à être ce qu'il est aujourd'hui, un brillant écrivain. Donc ces voix qui s'enchevêtrent, ces différents grandes histoires qui aboutissent dans l'acte de violence que j'ai décrit, eh bien, c'est ça la puissance de ce livre. Mmh. C'est ça la puissance de ce livre. Qui résonne aujourd'hui plus que jamais. D'ailleurs, c'est très contemporain, c'est le mot que l'on puisse dire. Oui, c'est très contemporain parce que l'histoire de la violence, eh bien, c'est ça aussi. On pense à la violence qu'on a affrontée en 2015. On pense à ces gestes qui sont des gestes désespérés, qui sont inexcusables, mais qui ont des histoires. Et c'est ça que nous dit Édouard Louis. Il dit que toute violence a une histoire. Il parle de la violence des dominés, il parle de la violence des dominants qui traversent le corps des dominés, comme il dit. Il explique tout ça dans un long entretien qu'il nous a donné avant les vacances. Et qui montre la prodigieuse intelligence, l'acuité contemporaine de ce jeune Édouard Louis qui, rappelons-le, a 23 ans. Deuxième coup de cœur, Auriane Jeancourt. Oui, deuxième coup de cœur, c'est autre chose, ça s'appelle Fabrication de la guerre civile, c'est signé Charles Robinson. Encore un roman édité au Seuil? Bah oui, que voulez-vous, il faut une belle rentrée, c'est comme ça. Ouais, mais... et encore, vous n'avez pas parlé de Vincent Message, qui fait partie de mes favoris, moi, pour cette rentrée. Et qui est dans notre sélection aussi, en plus c'est agréable, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs, beaucoup d'auteurs aussi qui prennent à bras-le-corps notre époque, et c'est le cas de Charles Robinson. Alors c'est un projet énorme, c'est-à-dire qu'il nous raconte la future destruction de la cité des pigeonniers. Charles Robinson, c'est quelqu'un qui a vécu en cité, qui a grandi en cité, qui connaît vraiment la vie en cité. Donc là, un peu sous la forme de vie mode d'emploi, il nous raconte les différentes voies, les différentes familles, les différents individus dans cette cité des pigeonniers qui va donc être détruite. Et il nous montre sur plus de 600 pages comment ces gens qui vivent dans la cité essayent de cohabiter, parfois dans la violence, c'est d'ailleurs un livre en forte résonance avec celui d'Édouard Louis, mais parfois dans l'amour, parfois dans l'amitié. Il va véritablement faire un travail documentaire, faire un travail romanesque pour nous faire vivre ça. Vous savez, en lisant ce livre, j'ai un peu pensé à The Wire. Mmh. Parce que série donc américaine. Voilà, la série américaine, puisque s'y confrontent aussi des voix, des instants de vie qui sont élaborés sur le long, sur le long, puisque c'est 600 pages. Et en multipliant les angles de vue, bien sûr. En multipliant les angles de vue, en multipliant les lieux, en multipliant les intrigues. C'est énorme et c'est extrêmement réussi. Merci beaucoup, Auriane Jeancourt. Bonne année à vous. Bonne année à tout le monde. Et puis à très vite sur les ondes de France Culture et notamment dans Un autre jour est possible. Et mon autre ami partenaire Laurent Nunez est arrivé. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour Téphie. Excellente année 2016. Excellente année à vous aussi. Alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Des livres avec un hamac, une musique tranquille, classique, j'aime bien. Bon voilà, c'est ce que je vais vous souhaiter tous les jours de cette année 2016. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré pour cette rentrée littéraire ? Ben, j'ai pas encore trouvé le hamac, la musique ça peut venir. J'ai trouvé quelques livres plutôt intéressants, dont on va peut-être d'ailleurs pas entendre parler tout au début, mais je crois qu'au fur et à mesure, le buzz aidant et les lecteurs et les libraires, qui comptent également beaucoup, vont faire que ces livres vont venir sur le devant de la scène. Ma première trouvaille, c'est L'autre Joseph de Ketevan Davritchevi, aux éditions Sabine Vespizer. C'est ces livres carrés, très très beaux, très bien faits. Davritchevi, elle raconte l'histoire de son grand-père qui a grandi à côté d'un autre bambin, d'un autre Joseph. Et le grand-père s'appelait Joseph, l'autre s'appelait Joseph aussi, c'était Joseph Staline. Voilà, un livre où la grande histoire frôle la petite. C'est très bien fait, c'est bien écrit comme Ketevan Davritchevi le fait, c'est-à-dire elle sait pointer exactement les grands problèmes des gens qui doivent partir d'un pays pour aller dans un autre. Voilà, c'est pour moi remarquable. Évidemment, en janvier, c'est aussi le nouvel Echnoz qui arrive, envoyé spécial. Avec un E à la fin. Exactement. On n'est pas surpris. C'est toujours une sorte d'une parodie de film de contre-espionnage. Mais c'est donc distancié, drôlatique. C'est du Echnoz très classique. Et peut-être parfois on n'en demande pas plus, ça nous suffit largement. Aux éditions de Minuit, bien entendu. Voilà, chez Gallimard, c'est Camille Laurence qui est pour l'instant ma préférée, avec Celle que vous croyez. Une histoire au début très simple, hein. Une femme d'une quarantaine d'années se crée un faux profil sur les réseaux sociaux pour épier son amant qui la délaisse. Et ben en fait c'est très efficace, c'est une chronique douce amère, vraiment sur l'âge des femmes, sur l'amour. Évidemment, Camille Laurence est une intime, j'allais dire, du texte de Proust. Donc, elle sait travailler sur la jalousie, évidemment. Mais voilà, c'est la jalousie 2.0. C'est plutôt bien. Chez Grasset, un petit livre politique ou drôlatique, ça dépend. Mais vous savez, c'est la suite de Patrick Rambaud. Il s'était attaqué, évidemment, vous avez rappelé, aux années de Nicolas Ier. Et bien, cette fois, avec François Le Petit, voilà, il commence à commenter les premières années du président de la République. Grasset y croit beaucoup parce que c'est 35 000 exemplaires qui vont se retrouver en librairie. Donc c'est voilà, c'est colossal, c'est assez énorme. C'est un premier volume qui se tient, même si bah, c'est vrai, hein, il manque dans le personnage principal la folie extrême de son prédécesseur. Ça, c'est dommage. Il faut attendre voir ce que. Oh, dommage. Je vous laisse cette appréciation à vous, Laurent Dunez. Dommage pour la littérature et le personnage principal. Voilà. Vous avez compris. Chez Grasset, ce qui m'intéresse plus quand même, c'est le nouveau livre de Claude Arnaud qui s'appelle Je ne voulais pas être moi, voilà, qui est une suite de son autofiction. Cette fois, il raconte sa vie de quarantenaire et avec son ambition et sa carrière qui n'était pas du tout celle qu'il voulait. C'est le livre qui me plaît parce que c'est très Claude Arnaud. Il n'y a aucun mot exagéré, aucune grandiloquence. Il sait viser juste et il sait se pincer lui-même. Chez Albin Michel, un très beau livre, c'est Sylvie Germain. Pas assez reconnu à mon avis, qui publie À la table des hommes. C'est l'histoire d'un enfant sauvage qui s'appelle Babel, mi-homme, mi-porcin, et qui va essayer de lutter avec les enfants d'un village qui le détestent. Voilà, c'est une fable dans la lignée, vous savez, de L'âne d'or ou même de Truisme, hein, vous vous rappelez le livre de Darius Seck. Voilà, c'est je crois la... Très bon choix, cher ouais. Laurent. Et tous ces auteurs seront bien sûr invités ici même, sinon dans d'autres émissions de France Culture. Je pensais que vous alliez parler comme tout le monde de Histoire de la violence, vous savez, le deuxième livre d'Edouard Louis, mais pas du tout. Mais est-ce que vous l'avez lu, Laurent? Ah, je l'ai lu, je l'ai relu. Je m'en suis frotté les mains de rage, je vous le cache pas. Évidemment, parce que donc Histoire de la violence, hein, c'est le livre dont tout le monde va parler, qui sort le 7 janvier. C'est le livre d'Edouard Louis, Feu Eddie Bellegueule. Vous vous souvenez, hein, celui qui avait changé donc de nom, de ville, de rang. Et dans son premier texte, hein, c'était pas un roman, c'était pas une autofiction, c'était une autobiographie. Vous savez, vrai de vrai. Et c'est donc encore un autre texte véridique que nous trouvons confronté en cette rentrée de janvier, 2 ans plus tard. Véridique puisque, comme le dit l'auteur dans une interview à Livre Hebdo, dans ce livre, il n'y a pas une ligne de fiction. Voilà, autant vous dire que moi, je me sens pas très à l'aise devant ce genre de remarques préliminaires, hein, comme si la fiction était une sorte de maladie honteuse, et comme si le fait de dire ce qui se serait vraiment passé était à l'inverse une sorte de grand critère littéraire. Mais ça fait au moins 20 ans qu'on ne fait plus de chantage au réel, mais enfin. Voilà, exactement. Mais justement, c'est là, j'aimerais qu'à Edouard Louis. Si l'on devait vraiment faire l'histoire de la violence, d'ailleurs, on commencerait peut-être par ça, hein, par ceux qui nous imposent leur étrange vision du monde en jurant que c'est vrai. Bref, ça commence mal. Voilà. La suite, je crois, est pire. Alors, attention, voilà, c'est donc l'histoire d'Edouard et de ses deux meilleurs amis, Geoffroy Lagarnerie et Didier Ribon, qui sort d'ailleurs des livres aussi en cette rentrée. Les trois s'offrent des livres de Claude Simon et de Nietzsche en Pléiade. Ils se promènent, place de la République, ils boivent du bon vin en écoutant de l'opéra. Tout est dans le livre, là, vraiment, je n'invente rien moi non plus. Et puis, un soir de Noël, Edouard rentre chez lui. Dans la rue, il croise un garçon, Reda, qui est kabyle. Il a un pantalon de jogging et du shit dans le pantalon de, dans la poche de son pantalon de jogging. Voilà, évidemment. C'est la nuit de Noël, il fait froid. Reda n'est pas mal, alors Edouard, lui, l'invite à monter chez lui. Sur le lit, ils discutent. Et Edouard remarque que son téléphone, soudain, a disparu. Alors, bah, c'est Reda. C'est Reda, bien sûr. Ils s'insultent, se battent. Reda sort un pistolet. Il insulte Edouard, lui. Il étrangle Edouard, lui. Et là, il viole Édouard Louis. Et puis il s'enfuit. Il s'en va. Arrivé à ce moment du texte, hein, c'est vrai que le lecteur ne se sent pas très à l'aise, vous vous en doutez. Mm-hmm. Puis, franchement, ce n'est pas très bien écrit, c'est assez plat. Mais c'est la suite qui est pire, parce que ce n'est pas fini. Édouard Louis va alors, tout d'un coup, revenir sur son enfance et sur celle de Reda. Il va expliquer tout ce qu'il sait, hein, de Reda, de sa vie, du père de Reda qui est arrivé en France, pour, hélas, dans un long tunnel sur l'émigration, le racisme, la misère, expliquer comment ces choses-là se produisent. Mmh. Parce que, bien sûr, Reda n'est presque pour rien dans ses actes. Pour Édouard Louis, vous savez, il est une sorte de victime de son passé, de son histoire. Et finalement, c'est une sorte de violence culturelle qui le traverse et qui l'inspire. C'est ça, l'histoire de la violence. C'est l'histoire de cette violence-là qui fait commettre des actes à d'autres. Bref, c'est un livre, hein, qui voilà, m'a beaucoup étonné et déplu. Déplu, je ne le cache pas aussi, par sa construction. Une construction polyphonique. Édouard raconte ce qui s'est passé à sa sœur, Clara, et sa sœur le re-raconte dans un récit. Et comme sa sœur, Clara, est un peu simple et même un peu bête, qu'elle n'habite pas dans la capitale, elle retranscrit la réalité à coup d'images, à coup d'idées reçues et de phrases syntaxiquement incorrectes. On a donc, sur la même page, hein, imaginé le dialogue de Clara et de son époux, mal construit, fautif, simpliste, et entre parenthèses et en italique, les remarques d'Edouard Louis, posées en bon français avec du subjonctif. Le même artifice apparaissait un tout petit peu, vous savez, pour en finir avec Eddie Bellegueule. Et déjà beaucoup de critiques, hein, déploraient ça, cette construction binaire. Moi, je parle d'artifice à dessein, hein, parce que l'auteur dirait au contraire, c'est vrai de vrai, c'est comme ça que parle ma sœur, c'est comme ça que moi je parle. Mais on peut appeler artifice cette façon de plaquer et d'opposer les deux façons de penser et d'avoir, comme par hasard, le beau rôle. Parce que c'est facile de bien s'en sortir, de bien écrire, hein, quand on est celui qui tient la plume et celui qui publie le livre. Dernière chose, moi, très personnelle, je ne peux pas être d'accord avec un livre de témoignage, puisque c'en est un, je vous le rappelle, il le dit, avec un livre de témoignage où le narrateur recule au moment de porter plainte, expliquant, de point ouvrir les guillemets, comment est-ce qu'on peut croire que ce genre de procédure fait du bien? À qui? Je ne voulais pas porter plainte à cause de ma détestation de la répression, de l'idée même de répression, parce que je pensais que Reda ne méritait pas d'aller en prison. Ben moi, je suis pas de ceux. Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent que les violeurs, même s'ils ont une enfance difficile, méritent d'être punis et méritent d'être jugés et même condamnés. Il ne s'agit absolument pas de répression, mais juste d'être responsable de ses actes et de vivre dans une société qui nous protège. Et voilà, voilà. Vous voyez ce que le livre a fait de moi. Je vais vous dire un grand secret. Je ne serais pas surpris si ce récit participait encore un peu plus de l'extrême droitisation de la France. Parce que c'est sûrement pas ce qu'Edouard Louis voulait, mais c'est ce qu'Edouard Louis, hélas, obtient. Et ça, c'est très triste, d'être si fasciné par Pierre Bourdieu qu'on finit par écrire un livre qui fascinera Éric Zemmour. Merci, Laurent Nunez. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, à retrouver sur franceculture.fr. Passez une bonne matinée, à demain.